Le directeur est malade. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'il était malade. Hein? L'ascenseur est en panne. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'il était en panne. Deux. Il y a du couscous à la cantine. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'il y avait du couscous. Trois. On a volé le vélo du professeur. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'on avait volé le vélo du professeur. Quatre. La secrétaire va démissionner. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'elle allait démissionner.